baby cool. Qui t'aime la game d'un calimi. Baby cool. Qui t'aime la game d'un calimi. Tim ça pas j'en privé. Tout tombe sous bébé. Ou te comprenne qui sou. Nice and easy sans problème. Tim ça pas j'en privé. Tombe sous bébé, tout ça tout c'est. Just don't worry, be happy. Côté mesdames qui aiment contrôler yo. Côté baby. Mes amis oh oh oh, si m'font sortir. Côté baby. Mes amis oh oh oh, vont déplacer. Côté baby. Mes amis oh oh oh, mais si m'aimer. Pour qui n'a pas. Mais si m'aimer. Tim sa pa jan vive. Tout tombe sous bébé. Ou décide ou pas tromper. C'est la vérité, seulement à prêcher. Tim sa pa jan vive. Pour tomber sous bébé. C'est l'on parle de marié. Il va que les machines n'ont pour convire. Côté mesdames qui aiment contrôler yo. Tout est yé, baby. Mes amis, oh oh oh, si font sortir. Tout est yé. Mes amis oh oh oh vont déplacer. Tout est yé, baby. Mes amis oh oh oh, mais si m'aimer. Pour qui n'a pas. Mais si m'aimer. Pour qui n'a pas. Baby, je vais sortir, oh bon Dieu. Qui t'aime sortir, mon chéri. Porte devant ferme, porte devant ferme. Tout côté ferme, quand tu es là. Ça fait mon vie crier, kidnapper. Ça fait mon vie relayer, kidnapper. Oh oh, si maman pas j'aime qu'elle m'aime comme ça. Si papa pas j'aime qu'elle m'aime. Ça fait mon vie crier, kidnapper. Ça fait mon vie relayer. Depuis le passé, pas qu'à sortir, baby. Pas qu'à déplacer, c'est vrai. Sorti, mais mourir, leur sorti pour kidnapper. Depuis le passé, pas qu'à sortir, baby. Oh, c'est vrai. Senti m'vle mourir. Leur sorti pour qu'il n'a fait comme ça. Chante comme ça, moi, tu. Si maman, pas j'aime qu'aime. Si papa, m'pas j'aime qu'aime. Ça fait ma vie crier. Kidnapper. Ça fait ma vie relayer. Kidnapper. Oh, si maman, pas j'aime qu'aime. Si papa, m'pas j'aime qu'aime. Ça fait ma vie crier. Kidnapper. Ça fait ma vie relayer. Depuis le fait. Pas qu'à sortir, baby. Pas qu'à déplacer. Oh, c'est vrai. Senti m'vle mourir. Leur sorti pour kidnapper. Comme ça, modèle pardon. Pas qu'à sortir, baby. Pas qu'à déplacer. Oh, c'est vrai. Senti m'vle mourir. Leur sorti pour kidnapper. Comme ça. Passez mes notes. passe mes notes dans bras moi. Baby cool now, baby cool, baby cool.